Bonjour, bonjour à tous. Un peu de synthé avant la reprise. C'est bonne année à tous. Les entretiens de Grenoble reprennent tranquillement en mode solitaire avec une émission spéciale rock noise, etc. Punk, trash, un peu de grindcore aussi à un moment donné, je pense. Voilà, là c'est Cadaver in Drag, un groupe de Louisville, non pas Louisville, l'autre, Lexington, Kentucky. C'est Fuck This Place, sorti je sais plus, 2007-2008. On écoute la fin et ensuite on mettra autre chose. Merci à tous. Penis Geyser. C'est sorti sur un 45 tours. C'est un split en fait avec de l'autre côté Napalm Death is Dead. Quite funny. Donc c'est Penis Geyser, c'est Midwest Columbus, Ohio. On va aller un peu plus vers la côte est avec Sightings, donc New York, même si je crois ils sont originaires de Détroit, mais à vérifier. C'est pas leur dernier album, c'est un album sorti fin des années 2000, City of Straw. Voilà, et c'est le morceau, Sky, non, on va mettre plutôt Saccharine Traps, voilà. Et peut-être qu'après on mettra un morceau un peu plus long, deux, pour donner une autre perspective sur ce groupe de New York. Voilà, merci à tous, on écoute. Donc comme j'ai dit, je vais mettre le premier morceau de la face A pour avoir une autre perspective sur ce groupe plus compliqué, on va dire. Sightings, Tar and Pine, sur l'album City of Straw. Donc on voit quelque chose de plus expérimental, un batteur qui utilise des pads, entre autres. On va passer vers un truc plus rock que FNU Ronnie's. Je sais pas d'où ils sont, mais c'est un 7 pouces sorti sur Richie Records. Ouais, c'est plus rock. Ah, c'est là, la mauvaise vitesse. Hop là. Yes, FNU Ronnie's. Hop. On va retourner dans l'Ohio avec un des groupes favoris, Puffy Areolas. Ouais. C'est le morceau Puking in Peace. C'est un album sorti sur Silt Breeze. Je sais plus quand, en quelle année. Fin des années 2000. Voilà, qui joue en 33 tours. I'm gonna be the one. Qui rend justice au groupe parce qu'ils mettent beaucoup de temps à démarrer, c'est seulement à la fin où ils arrivent à être un peu carrés. Je repasserai un morceau un peu plus tard de ce fabuleux groupe qui n'existe plus, je crois. Voilà les concerts les plus sauvages auxquels j'ai été donné d'assister. Un excellent groupe qui existe encore et depuis longtemps, Cheater Slicks. Qui a sorti au début des années 2010 des albums live, mais bien enregistrés. Donc là, on va écouter une version live de Walk Into the Sea. Voilà. Merci. We'll be right back. Leaks. Ouais, non, non. Ce serait avec grand plaisir, mais il faut laisser la place aux autres. Rusty Chat de Houston, Texas. Un album sur Load Records. C'est un trio avec un chanteur. Ouais, avec un chanteur. Alors, que mettre? Je pense que la face A est la plus significative. Le morceau 2 qui s'appelle Intellect. You got the rest of the same, you're shining, you're shining, you're shining. Hop. Un stitch chat, je vais couper progressivement. Voilà. Houston. Houston, Texas. Ted Cruz. Big up à Ted Cruz, bon courage. Pour contester les élections démocrates. Enfin, la victoire démocrate. Ça va pas être facile. Bon courage, Ted Cruz. Ensuite, un autre groupe de New York. Polémique. Controversé. Qui s'appelle Drunk Driver. Mais c'est pas le nom. C'est des histoires liées au batteur, mais on s'en fiche. Le morceau s'appelle Dick in Mouse Trap. Comme Born Pregnant, justement, puisqu'on en parlait. Allez, je coupe. Drunk Driver, dont le batteur, bon, on s'en fiche. Je vais pas dire. Drunk Driver New York. Un trio avec un chanteur, une guitare, une batterie. Et un batteur qui utilisait des baguettes symétriques. En fait, pas en fait à bout rond, quoi, pas à bout biseauté, comme ça se fait. On va aller dans quelque chose d'un peu plus hardcore, un peu moins junk. C'est une sortie sur le label Youth Attack de New York aussi, fondé par Mark McCoy, qui jouait dans Das Oath. Je ne sais plus pourquoi je me suis intéressé à ce groupe. Mais j'ai interviewé ce type en 2000, je sais plus, 9, je crois, à Berlin, pour la radio. Voilà, donc c'est plus hardcore, on écoute toute la face, c'est un 7 pouces. C'est la mauvaise vitesse, peut-être pas. Veins. Je l'ai pas dit, non? Ah non, j'avais pas dit, j'ai juste parlé du label. Shazam, excellent. Bravo. Vive Shazam. On va continuer sur... Ah putain, j'arrive pas. Sur une sortie du même label, mais on revient à Columbus, Ohio, avec Vile Gash. Voilà, pas besoin de Shazam. Valgage de voilà ouais donc là c'est plus grindcore en fait on va se mettre tout le 7 pouces merci. Yella, YOLO, Valgash, c'est le premier 45 tours sorti sur, Youth Attack, il y en a eu un autre après. On va continuer avec un peu plus dur avec Agathocles, le fameux groupe belge. C'est un split avec Avulsion. Voilà, c'est très très très très bien aussi. Et puis après on mettra peut-être un disque. Un peu trop rapide. Ça s'entend surtout sur le... sur les fréquences. Hop là. Pardon. We'll be right back. Yes, Agathoclès. Alors, c'est le moment de la pause, vu qu'il est 19h01. On va mettre un petit morceau différent. Voilà, comme une sorte de blague un petit peu lourde. C'est les Fibs. Le jour de la rentrée, les copains se sont tous retournés. Elle m'a regardé, je me suis mis à rêver. Durant toute la journée, on ne s'est plus quitté. Je lui ai demandé si elle voulait m'aimer. Elle m'a répondu, j'aurais mieux de bosser. Oh, Yorinina, je voudrais tant te serrer dans mes bras. Je t'ai rencontré. Nous sommes en février, je continue à draguer. Je garde espoir, il y a plein de soirées. Surtout l'autre soir, elle m'a invité à danser. Le reste de la soirée, je n'ai fait qu'espérer. Quand tout d'un coup, elle s'est enfin décidée. Elle s'est approchée, et je l'ai embrassée. Oh, Yorinina, que j'aime tant te serrer dans mes bras. Depuis le jour où je t'ai rencontré. Bientôt l'examen, je vais sûrement me planter. Mais je m'en fous, tant qu'elle est à mes côtés. Dans la salle de ciné, on s'est encore discuté. Elle est partie et soudain s'est retournée. Elle m'a souri, on s'est réconcilié. Oh, Yorinina, que j'aime tant te serrer dans mes bras. Depuis le jour, je t'ai rencontré. Déjà le mois de juillet, c'est la fin de l'année. Les copains sont tous bacheliers. Quant à moi, je ne me suis pas présenté. Je l'ai aperçu l'autre jour à la récré. Elle est passée et ne m'a pas regardé. Moralité, j'aurais mieux fait de bosser. Que j'aimais tant te serrer dans mes bras. Depuis le jour où je t'ai rencontré. Oh, Yorinina, que j'aimais tant te serrer dans mes bras. Depuis le jour où je t'ai rencontré. Yes. Tout le monde aura entendu que c'était une vitesse inférieure à la vitesse recommandée. Moralité, il aurait dû travailler. Pour tous les jeunes qui nous écoutent. On va mettre une reprise. Et celui qui trouve la reprise, c'est facile, gagne un prix. Un prix libre. Le groupe, c'est Bad Party. Alors, c'est bon, tout est bon. Je vais essayer de trouver le bon sillon. Ouais, d'accord. Hop. Les entretiens de Grenoble, spécial junk rock and so on. Le sillon est très dur à voir. Excusez-moi pour ce petit... Voilà. C'est bon. Une reprise. Yes, yes, yes. Voilà, reprise, c'était les Smiths, London. Super morceau des Smiths, très court. Un peu moins crassouillou que celui-ci. Mais quand même. Mais très bon. Il nous reste une vingtaine de minutes. Ouais, c'est ça. On va continuer avec des morceaux un peu plus. Avec de la voix, disons. Avec un groupe, je crois, de Baltimore, sorti sur un label Baltimore, Fan Death Records. On va écouter le morceau. On va écouter deux morceaux. Voilà, vous me direz. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être. Can't be fair. Yes, Leather Wrench, Wretch, Leather Wretch. Un peu plus émo, quoi, du coup, avec la voix, une voix qui porte beaucoup. On va continuer avec Altars. Altars, c'est tout. Un vinyle, une face, avec trois morceaux. On va mettre le premier. A tout de suite. Merci de votre écoute, les entretiens de Grenoble. Ce sont Big Up Tep Trouz. Yes, Altars. Ça continue. Mais bon, il faut laisser la place aux autres. Big up à Philou. Merci Philou de nous avoir rejoints au meilleur moment. Peut-être. Je continue avec Columbus avec. Je reviens un petit peu. Avec Unholy 2. Un album sorti sur Columbus Discount Records. Ouais, encore et toujours. Ouais, c'est la trois quarts de mes disques. Désolé. Maybe. Yeah. fin de live même. Allez, ciao. Ok, on va finir avec des choses plus ou moins. Rot shit. Straight up punk. Le morceau s'appelle, je sais pas quoi, Dead. Pardon pour ces blancs. Allez, c'est parti. 33-45, je ne sais pas. Dernier morceau, je pense. Merci à tous, à la semaine prochaine. Ciao.